Rival André Akulae. Nakanisa kiotika likambo yango nzoka nde olandaka kaka ye tekele. Nakanisa kiotika likambo yango nzoka nde olandaka kaka ye tekele. Napekisaka yo kokendeke na biro na ye nzoka okendeke na yo kaka otekele. Napekisaka yo kokendeke na biro na ye nzoka okendeke na yo kaka tekele. Surtout anniversaire nous avons 20 ans. Biso tous les ans koko et ton dimango. Alexis Maya MM Mama Eleni la Sainte Symphonia. Oh Gabin Papa Boussaniote Begin. Oye bongo papa mo bese et sobole abonu. Sous la tempo, ah, le grand entraîneur.